Toujours à la même occasion ont eu lieu les conférences au Mali, en Angola et au Niger, alors que les séances de films coréens au Brésil, en Malaisie, en Thaïlande et en Algérie. Y ont pris part les personnalités de divers milieux et autres habitants des pays hôtes. Aux séances de films, on a projeté les documentaires coréens comme « Célébration solennelle du 70e anniversaire de la fondation du Parti du Travail de Corée » en présence du respecté camarade Kim Jong-un et « Patrie brillante par les armes Paek Do-san ».